rencontre à ses promis. On a mangé tous les poissons déboisés comme des cons, fendu la terre en deux. Mais qu'est-ce que je peux faire? Les gros gros sous me mettent à terre. Matt Corleone n'a jamais fait de prison. C'est la même chose en fait avec les big corporations. L'argent nourrit à la figure, l'argent qui protège dans ses ordures. C'est la même force toujours qui pousse, mais les moyens sont tous plus gros. Une machine de 33 tonnes d'un industriel sans bon sens, c'est pas ça l'idéal de protéger l'environnement. L'environnement. Mais de Corleone n'a jamais fait de prison. C'est la même chose en fait avec les mille corporations. Le sol sera recouvert. Des tremblements de temps feront sauter les bombes cachées sous terre. Les animaux n'existeront plus. On mangera des trucs synthétiques. La vie sera d'acier, de béton, de verre et de plastique. J'ai vu la masse humaine tomber, mais je ne